Bonjour, nous sommes le 11 janvier 2000 et procédons à l'enregistrement numéro 5 du cours sur Perceval, codé en ce moment à l'Université de Provence, LMD 150. Je m'appelle May Plouzeau et Monsieur Joël Bertin est à la prise de son. Nous poursuivons notre examen des attestations du verbe descendre dans l'ensemble du Perceval édité par Monsieur Lecoy. Sauf erreur de ma part, nous avons 31 attestations de ce verbe, mais très souvent, elles se concentrent à l'intérieur d'un seul et même passage. Par exemple, nous avons 4 occurrences entre les vers 977 987, deux occurrences au vers 1415, etc. De sorte que le travail que requiert l'examen des attestations n'est pas vraiment exténuant. Je serais heureuse que vous vous livriez vous-même vraiment à cet examen, qui consiste tout simplement à trouver une façon de classer les différentes attestations du verbe avant d'écouter l'exposé de mon analyse. Ainsi, vous pénétrerez-vous de la façon d'écrire de Chrétien de Troyes et aussi de l'histoire racontée dans ce roman de Perceval. En effet, si les contextes que j'ai fournis vous paraissent trop étriqués, vous reporté à l'ensemble des deux volumes de l'édition. Au travail donc, et ne remettez en marche l'appareil qui diffuse l'enregistrement que quand vous aurez fait cette petite recherche. Vous avez cherché tout seul? Voici mes propres regroupements. Massivement, le verbe descendre est intransitif et signifie descendre de cheval, ainsi que nous l'avons déjà dit. Je précise maintenant. La notion de cheval n'est rendue par des mots que trois fois, au vers 7015, puis si ça reste et si descente d'elle petite par le frouet. Au vers 8161, et la mâle putzel estuit de son palefrouet descendue, un palefrouet, c'est un cheval de promenade, et enfin, au vers 7179, tantost de son cheval descend. Trois fois, par ailleurs, le verbe descendre est accompagné des mots à pied. Et cette mention, à pied, précise au lecteur qu'il s'agit bien de descendre de cheval. Exemple, vers 2220, et li valets à pied descendent, qu'il mêle sept à cheval requiert. Traduction. Et le jeune homme descend à pied, car il ne sait pas l'attaquer à cheval. Fin de la traduction. Mais le reste du temps, quand le verbe descendre signifie descendre de cheval, il n'est pas accompagné de groupe nominal qui signifie de cheval ou bien à pied. Exemple, vers 977, Amis fait li roes descendez. Traduction, mon ami fait le roi descendez. Sous-entendu, de cheval. Autre exemple, vers 984 et suivant. Je n'estouille pas descendu, s'il que j'encontrais en la lande. Et vous, Vous l'êtes ce que je descende. Ja, par mon chef, ni descendrai. Traduction, c'est Perceval qui parle. Mais il n'était pas descendu, ce que j'ai rencontré dans la lande. Et vous, vous voulez que je descende? Assurément, par ma tête, je ne descendrai pas. Et dans les trois occurrences du verbe descendre, il est question de descendre de cheval. De cet emploi du verbe descendre, intransitif, signifiant à lui seul descendre de cheval, le texte offre 19 occurrences. Ajoutons à cela l'exemple du vers 1774, vers une palesse couverte d'atouise, l'ont les quatre sergents menés et descendu et désarmé. Ou le verbe descendre, transitif direct, sur l'occurrence de la construction transitive pour tout le texte, signifie descendre quelqu'un de cheval. Premier bilan. Sur 31 occurrences de descendre dans le Perceval édition Le Coy, 26 signifient descendre de cheval. Ceci est important et nous allons nous interroger un peu. En fait, le verbe traduit un mot qui est fondamental dans la narration de ce roman, comme dans celle de nombreux romans de chevalerie. Le verbe traduit une notion, un mouvement, qui est fondamental dans la narration de ce roman, comme dans celle de nombreux romans de chevalerie. Les héros sont à cheval lors des affrontements ou des déplacements. L'emploi du verbe descendre, au sens de descendre de cheval, traduit un changement de situation. Changement souhaité, si ce verbe est à l'impératif, en effet, assez souvent, on demande aux personnes descendantes, et mouvement effectif, si le verbe est à l'indicatif. Le cavalier, ou parfois la cavalière, ayant quitté sa monture, n'est plus en position de dominer le monde, voyez le vers 984 et suivant, il cesse de combattre, voyez le vers 1117, ou tout simplement descend de cheval parce qu'il est arrivé au terme d'un trajet. Dans ce dernier cas, la seule présence du verbe descendre inaugure un épisode du récit où le cavalier, désormais à pied, se pose et se repose. Cela est si vrai que le verbe descendre en vient à signifier s'héberger. Voici les deux exemples du texte où descendre traduit cette notion. Premièrement, vers 5657. Allez suivez là dont je viens et descendez en mes maisons. Bien et huit mes, tants et raisons de Herbertchet, s'il ne vous plaise. Deuxième exemple, vers 7225. Presse de l'Ève fut li hosteus au notonier, et si futeus que descendre y poist une quince. Traduction de ce dernier exemple, la maison du nocher était près de l'eau, et elle était telle que un comte aurait pu y descendre, c'est-à-dire s'y héberger. Fin de la traduction. Nous voyons avec ce dernier exemple que la notion de mouvement du haut vers le bas, qui est consubstantielle au mouvement descendre de cheval, que cette notion, donc, nous sommes sur le point de la perdre de vue. Mais cela, précisément parce que, en ancien français, on descend dans une maison pour s'y héberger une fois que l'on est descendu de cheval. La suite, dirais-je, naturelle du mouvement qui consiste à descendre de cheval, c'est celui qui consiste à aller s'héberger. Le reste des attestations du verbe descendre dans le texte traduit plus nettement l'idée de se déplacer de haut en bas. Ces attestations restantes sont seulement au nombre de trois et elles peuvent d'ailleurs être réparties entre trois catégories, une pour chaque attestation. Premièrement, un sujet humain descend d'un lieu qui n'est pas un cheval, vers 8107, de la tournelle ansi descendent. Traduction, ils descendent ainsi de la petite tour. Deuxièmement, nous avons un emploi figuré avec un sujet inanimé renvoyant un concept abstrait. Vers 7936, que de lit, toutes les biens descendent. Traduction, car d'elle, tout le bien découle. Enfin, troisièmement et dernièrement, le verbe a pour sujet un mot signifiant une pente. Vers 1318, sur celle roche, en une pendante qui verse mir alwit descendant. Traduction, sur cette roche, sur une pente qui allait en descendant vers la mer. Voyez qu'ici, par métonymie, le mouvement du haut vers le bas que l'on effectue en descendant la pente, ce mouvement est prêté à la pente elle-même, qui pourtant est immobile, rappelons-le. Je vais maintenant tenter une petite vue d'ensemble sur le couple avaler-descendre. Je vous rappelle que le verbe avaler ne comporte que 17 occurrences dans l'ensemble du Perceval édité par M. Lecoy. À la lumière de nos études en contexte sur les verbes avaler et descendre dans ce Perceval, nous allons donc tenter de revenir sur ce qui rapproche et aussi sur ce qui oppose ces deux verbes. Ce qui le reproche, c'est que toujours pour avaler et presque toujours pour descendre, il véhicule la notion de mouvement du haut vers le bas. Mais le mot presque que je viens d'employer est important. En effet, descendre élargit son sémantisme au sens de s'héberger ou bien de être en pente. Au plan de la fréquence, dans ce texte-ci, avaler est beaucoup plus rare. Nous pouvons expliquer cela parce qu'il a des sens plus étroits que le verbe descendre, nous venons de le voir. Mais nous pouvons aussi rendre compte du fait que descendre est bien plus fréquent que avaler parce que descendre est dans la majorité de ses emplois un terme quasi technique, très important dans la façon de narrer de Chrétien de Troyes, mettant en scène des gens qui se déplacent à cheval. Dans la mesure où le verbe « avaler » est moins fréquent, dans la mesure où, contrairement au verbe « descendre », il apparaît seulement en rime, dans la mesure où le verbe « avaler » traduit toujours très précisément un mouvement du haut vers le bas, il me semble que ce verbe est dans ce texte plus plein, plus parlant que le verbe descendre, lui un peu incolore. Dans ces conditions, on s'expliquerait peut-être pourquoi le verbe avaler a survécu en français moderne, mais en se spécifiant étroitement dans un sens très concret, faire descendre des aliments à l'intérieur de son corps, du moins dans l'emploi courant du verbe avaler en français d'aujourd'hui, tandis que le verbe descendre seul a continué à signifier se déplacer du haut vers le bas dans toutes sortes de contextes, y compris des contextes qui conduisent à des emplois figurés. Vous voyez qu'avec notre étude de descendre et avaler, que je quitte maintenant, nous avons pris en compte non seulement le sens de ces verbes et un peu, je le reconnais, leur histoire, mais aussi les façons d'écrire de Chrétien et également des traits de civilisation médiévale. Nous allons procéder similairement avec l'étude du couple sergent et escuyer dans l'ensemble du Perceval édité par Monsieur Lecoy. Vous allez commencer par réfléchir sur le sens de ces mots dans le texte, en examinant les relevés exhaustifs qui vous sont fournis. Après, vous écouterez, si le cœur vous en dit, ma propre analyse. Mon corpus, je le rappelle, est l'ensemble du Perceval édité par Monsieur Lecoy. Et je rappelle aussi que dans la suite de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, lorsque je donne un numéro de vers, sauf exception dûment signalée, ce numéro renvoie au vers où apparaît le mot escuyer ou le mot sergent. Je commence cette étude par un essai de définition du mot sergent, mais au départ en prenant parfois les deux mots sergent et escuyer en parallèle. Au vers 1926, sergents furent et escuyers 50 qui la nuit veillèrent. À ce vers, donc, on pourrait croire que les deux mots ne désignent pas les mêmes catégories de personnes, étant donné la construction grammaticale, et donc ce vers 1926 nous engage à rechercher quelle est la différence entre les réalités désignées par ces mots « sergent » et « escuyer ». L'enquête consiste naturellement dans un premier temps, à relever toutes les occurrences de l'un et l'autre mot en les entourant d'un contexte suffisamment confortable pour être parlant. Première constatation, les chiffres. Nous avons 13 occurrences de sergent contre 19 occurrences de escuyer. Ce sont donc des mots courants que l'on peut penser être banals à l'époque de Chrétien III. Un coup d'œil au dictionnaire de Tobler et Lomatch, la Französische Wörterbuch, nous confirme qu'en effet, ils le sont. Par ailleurs, le fait que ces mots se rencontrent tantôt en fin de vers et tantôt à l'intérieur du vers appuie cette présomption de banalité. Les mots vraiment rares ont tendance, en effet, dans les textes en vers, à se trouver à la rime, ainsi que je l'ai déjà dit, et sur ce point, Chrétien de Troyes ne fait pas exception. Mais les chiffres ne doivent pas être brutalement assénés. En effet, il arrive souvent qu'un même mot, utilisé pour signifier une même réalité, soit repris sans souci de variation linguistique ou stylistique à l'intérieur d'un épisode donné. Tenant compte de cela, nous notons donc qu'il est question de sergent seulement dans 10 situations différentes. On passe donc du chiffre 13 au chiffre 10. Et qu'il est question d'escuyer seulement dans 9 situations différentes. On passe là du chiffre 19 au chiffre 9. Voilà qui rééquilibre les choses. Qu'est-ce qui distingue maintenant les personnes dénommées sergent des personnes dénommées escuyères? En examinant le texte, je vais d'abord m'interroger sur les fonctions des personnes, des personnages du roman désignés par ces noms. Donc, je procède d'abord à une interrogation toute banale que j'appellerai extra-linguistique, c'est-à-dire sur le référent de sergent et de escuyer, une interrogation que je pourrais dire naïve, mais comment? En lisant le texte. Je vais commencer par les passages qui ne nous renseignent pas sur ces fonctions. Lorsque Perceval quitte Beaurepaire est mentionné au vers 3373 le fait qu'il ne voit pas d'écuyer. Par ailleurs, quand Perceval rêve sur les gouttes de sang, nous voyons des escuyers sortir des tentes vers 4192 sans que l'on nous dise ce qu'ils font. Pareillement, nous ignorons ce que fait l'escuyer à cheval du vers 6738. Les autres occurrences sont plus parlantes. Elles nous montrent 7 écuyers qui accompagnent Gauvin dans une expédition vers 4776. Elle nous montre des écuyers qui mènent en destre des chevaux vers 4791 et 5506. Elle nous montre un escuyer qui ramasse des arbres abandonnés par les participants d'un tournoi vers 5082. Elle nous montre d'autres escuyers qui courent aux armes et mettent celles au vers 4924. Voilà donc les autres occurrences. Résultat, les escuyères dans le roman s'activent dehors et ils ont partie liée avec le monde des armes, des chevaux et des hommes. Deuxième question, quel est le statut social des escuyers dans ce roman, dont je vous rappelle qu'il a été composé à la fin du XVIIIe siècle, pardon, à la fin du XIIe siècle. Cette deuxième question, nous allons y répondre dans l'enregistrement numéro 6.